J'fais ni des sons romantiques, ni des sons cool. Contorsionniste, l'amour a pris ses jambes à son cou. Du mal à contenir, mon franc parler. Moi j'suis pas photogénique, pour ça que mon preux ne peuvent pas m'encadrer. N'imagine pas que les acteurs me tracassent. À quoi sert de faire son trou, le fossoyeur fera le taf. En vrai mes textes déboîtent, c'est des terres que j'débarque. Par chez nous les mains tendues finissent par faire des wads. J'accumule beaucoup de phases art. J'rêve de briller parmi les étoiles comme Mufasa. Face à ma feuille j'suis comme le père Noël, ouais j'vide mon sac. J'viens vous offrir des punchlines tout droit sorti de mon crâne. Dans votre rap la vérité n'est pas à l'œuvre. Et pas besoin d'être horloger pour remettre les pendules à l'heure. Je suis écrit depuis tant d'années. Si ce n'est dans un sac mortuaire, pas de quoi m'emballer. Parce que le buzz n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Je n'ai pas le temps de faire le pot du rap pour bobo. J'ai plus d'une prod à engrosser. La boule à 7, mais pour le succès, je peux me brosser. Parce que le buzz n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Je n'ai pas le temps de faire le pot du rap pour bobo. J'ai plus d'une prod à engrosser. La boule à 7, mais pour le succès, je peux me brosser. Je m'appelle pas Yannick Noah, pourtant je marche à côté de mes pompes. Le diable connaît ses tapes quand vient le temps de rendre des comptes. Je me dirige vers l'abîme. Combien de temps avant que Judas ne vienne me faire la bise? Je me reposerai pas sur mon vécu de merde, ça serait stupide. Comme faire confiance à un auriculaire. À chaque seconde je fais crever doucement. Si on me donne carte blanche, la rentrée rouge sang. J'attends que l'enfer vienne me soulever. La réussite c'est comme la coke, beaucoup l'ont vu leur passer sous le nez. Je fais tourner des boucles, fataliste. Va pas dire un manchot, pour s'en sortir il faudra jouer des coudes. Non je suis pas né de la dernière averse. Cousine je suis terre à terre. Si t'es une pute bah faudra faire avec. 91 mon point d'ancrage. Finalement y'a qu'un calibre qui pourra mettre du plomb dans le crâne. Parce que le buzz n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Je n'ai pas le temps de faire le pot du rap pour bobo. J'ai plus d'une prod à engrosser. La boule à 7, mais pour le succès je peux me brosser. Parce que le buzz n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Je n'ai pas le temps de faire le pot du rap pour bobo. J'ai plus d'une prod à engrosser. La boule à 7, mais pour le succès je peux me brosser. En fin de compte, nous mourrons tous. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Afin que l'on se souvienne de vous comme des hommes.